Thank you. Thank you. Le printemps est né, mesdames, sur les tours de Notre-Dame. Aussi, dans la grande rose au fond de la nef enclose. Le printemps est né, mesdames, sur les tours de Notre-Dame. Sous le porche ouvert au jour, il naît avec plus d'amour. Sous le porche où le bon saint qui tient son chef en ses mains ouit des idées légères chanter dans sa tête en pierre. Jean Dévaux, c'est un miracle. Regardez, c'est un spectacle. L'hirondelle a fait son nid dans le chef de Saint-Denis. Le printemps est né, mesdames, sur les tours de Notre-Dame, dans la tête du bon saint qui tient son chef en ses mains. Jean Dévaux, c'est un spectacle. Regardez, c'est un miracle. Tout doux de ses mains bénies, Saint-Denis berce le nid. M'a dit le lézard. Il fait beau, m'a dit l'abeille. Et le moineau, quel soleil! Mais moi j'étais en retard, je courais sur le sentier odorant d'Aristoloche, où deux fois déjà la cloche de l'école avait tinté. Si essoufflé que répondre à l'abeille et au lézard. Quand je m'assis dans l'ombre, en face du tableau noir, je vis, par la vitre close, l'oiseau qui m'avait suivi et qui paraissait tout rose dans le grand pommier fleuri.